that of French, because of the people in Congo and all other places, they will need it. Amen? Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Today, we will be going to living godly. Aujourd'hui, on va parler du sujet de vivre une vie divine. Living godly. Vivre une vie divine. Amen. Amen. Living godly in Christ Jesus. Vivre une vie divine en Jésus-Christ. Is Christ living his life through you. C'est quand Jésus-Christ vit sa propre vie à travers toi. You know, let me first of all say, this message was given to me to preach in Benin. Ce message m'a été donné quand on était à Benin. But because we did not have time, and I said, let me just preach it first here. Mais parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, je me suis dit que je veux le prêcher d'abord ici à Lagos. The Lord woke me up and gave me this message. L'Éternel m'a réveillé avec ce message pour vous. For all of us. Amen. I will first of all tell you this place. Here is not a religious church. Je veux vous dire ceci d'abord. Ici, ce n'est pas une église religieuse. We preach the revelation of Christ Jesus. Nous, on prêche la révélation de Jésus-Christ. The Bible is not about information. Parce que la Bible, dans la Bible, il ne s'agit pas de l'information. It's about revelation. Il s'agit de la révélation. Amen. And that's why the Bible is full of parables. Et c'est pour cela la Bible est vraiment pleine de paraboles. It needs to be revealed. Et ces paraboles ont besoin d'être révélées. Without revelation, you cannot know the Bible. Et sans ces révélations-là, tu n'es pas capable à comprendre la Bible. Amen. Revelation means Christ revealing himself to you. Et la révélation, ça signifie quand Jésus-Christ lui-même, il se révèle à toi. Amen. The Bible is not about information. Dans la Bible, il ne s'agit pas de l'information. Everywhere in the Bible, in the churches today, it's just about information. Mais dans des églises, ces jours ici, il s'agit toujours de l'information. Amen. The Holy Spirit revealed the Bible. C'est le Saint-Esprit qui révèle la Bible. Without the Holy Spirit, you cannot know the true meaning of the Bible. Sans la puissance du Saint-Esprit, tu n'es pas capable à comprendre la vraie signification de la Bible. The Bible is not written to your, let me say, to your natural mind. La Bible n'a pas été écrite pour tes pensées naturelles. It's written to your spirit. C'est écrit pour ton esprit. It is spirit to spirit. C'est une interaction de l'esprit à l'esprit. God is spirit. Dieu est l'esprit. If he's going to talk to you, it's going to be through spirit to spirit. Et quand il veut te parler, il va te parler à travers l'esprit à l'esprit. Amen. We need the Holy Spirit. Et on a besoin du Saint-Esprit. To help us to understand the Bible. Pour nous aider à comprendre la Bible. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Living godly. We don't live godly. Nous, on ne mène pas une vie divine. If you belong to Christ, you don't live godly. Si tu appartiens à Jésus-Christ, tu ne mènes pas une vie divine. You live godly in Christ Jesus. Tu mènes une vie divine en Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. There's a difference between living godly and living godly in Christ Jesus. Il y a une différence entre vivre, mener une vie divine ou vivre une vie divine en Jésus-Christ. If you are living godly, you are the one living godly. Si tu vis une vie, tu mènes une vie divine, c'est toi la personne qui. You are trying to please God. Tu es en train d'essayer de faire de plaire à l'Éternel. If you are living godly in Christ Jesus, Jesus Christ himself that is living his life in you and through you. Mais quand tu mènes une vie divine en Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même qui vit sa propre vie à travers toi. Praise the Lord. Let's go to 2 Timothy 3, please. On va lire 2 Timothée 3. Praise the Lord. We use the Bible a lot. Nous, on lit vraiment beaucoup de la Bible. We always go to the Bible. On lit beaucoup. Second Timothy 3:12. Are we there, please? 2 Timothée 3:12. Amen. Who will help us to read? Yes, Chad. Indeed, all who delight in pursuing righteousness Praise the Lord. Aussi bien tous ceux qui veulent vivre avec piété dans le Christ Jésus auront à souffrir persécution. Amen. He said, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. All that will live godly in Christ Jesus. The difference is Christ Jesus. Amen. Et il dit que tous ceux qui veulent vivre une piété, avec piété dans le Christ Jésus. Donc, la différence, c'est dans le Christ Jésus. You know, Christians, they live godly. They try to live godly. The Muslims try to live godly. Consider religion try to live godly, but not in Christ Jesus. Donc la religion et les musulmans sont en train d'essayer de mener une vie religieuse ou bien une vie divine, mais pas en Jésus Christ. What the difference between the kingdom of heaven and religion? Religion try to please God. Amen. We don't try to please God. Christ, you know, Jesus pleased God for us. Et c'est pour cela la religion, dans toutes ces religions, on va voir qu'ils sont toujours en train de se battre ou bien d'essayer de plaire à l'Éternel. Mais nous, les enfants de Dieu, on n'essaye pas, on ne se bat pas à plaire à l'Éternel. C'est Jésus-Christ qui plaît l'Éternel à notre place. No man can please God. Parce que personne n'est capable à plaire l'Éternel. It's only Christ that pleased God. Amen. C'est seulement le Christ qui est capable à plaire l'Éternel. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. All religion, they all live godly. Chaque religion sont en train de vivre, mener une vie divine. But not in Christ Jesus. Mais pas en Jésus Christ. What makes us different from them is Christ Jesus. Ce qui nous sommes en train de nous rendre différents de ces gens-là, c'est Jésus Christ. I will say this, quickly say this, please. Jesus was not a good man. Donc, je veux dire ceci, Jésus-Christ n'était pas un être, une bonne personne. Jesus was not a good man. Jésus-Christ n'était pas une bonne personne. What this world called good man. Selon la définition de ce monde. Amen. Amen. Amen. What this world called good is what Satan called good. Parce que le bien, selon la définition de ce monde, c'est le bien, c'est ce que le diable aussi, le Satan lui-même, il appelle aussi bien. Amen. The kingdom of this world belongs to Satan. Parce que le royaume de ce monde, ça appartient au diable. There are two kingdoms on earth. Parce qu'il y a deux royaumes dans ce monde. The kingdom of Jesus Christ. Le royaume du Christ. And the kingdom of this world. Et le royaume de ce monde. Let's go to Luke. Place, so that you see what Satan talked about concerning the kingdom of this world. On va le lire nous-mêmes à Luc 4 pour le confirmer. Luke 4. Amen. Luke 4, the temptation. La tentation. Luc 4. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 5 and 6. Luc 4, versets 5 et 6. Amen. Amen. And the devil taking him up into an high mountain. I hope you know this, what is happening here. Amen. Showed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time. And the devil said unto him, all this power will I give thee, and the glory of them. For it is delivered unto me, and to whomsoever I will, I give it. Mm-hmm. Everything in the kingdom of this world belongs to me. Mm-hmm. Ah, it was through Adam he got everything. Through Eve. Donc on voit ici que le diable, il a obtenu à travers la chute de l'homme, il a obtenu la puissance sur ce monde. Ici, il a dit à verset 6, il a dit à Jésus-Christ, je vous donnerai toute cette puissance et toute la gloire de ce royaume, car elle m'a été livrée et je la donnerai à qui je veux. C'est le diable qui le dit. Amen. You know, here, Satan, he was tempting Jesus with the kingdom of this world. Amen. Then go to Matthew Matthew 4, please. Donc on voit ici que ici le diable était en train de tenter Jésus-Christ avec le royaume de ce monde. Donc il lui offrait, il a commencé à lui offrir ce royaume. Matthew 4, verse 17. On va lire Matthieu 4, verset 17. Are we there, please? He said, from that time, Jesus began to teach, to preach, and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. I am here with another kingdom. Verset 17 dit que dès lors, Jésus commença à prêcher et disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc moi, j'ai emmené un nouveau royaume. Are you getting it? You know, we just read where Satan said the kingdom of this world belonged to him. It was given unto him. Donc on a vu que le diable, il a dit que le royaume de ce monde m'a été livré, ça lui appartient. And we have just read that Jesus came with his own kingdom. Et on a lu que Jésus-Christ, il est venu avec son propre royaume. He said there's a change. Il a dit qu'il y a un changement. There's going to be a change. Il y aura un changement. For another country is around. Parce que maintenant, il y a un autre royaume qui est venu. Amen. I am here with another kingdom. Moi, je suis ici avec un nouveau royaume. The kingdom that there is no suffering. Donc, un royaume où il n'y a pas de souffrance. The kingdom that there is no pain. Il y a un royaume où il n'y a pas de douleur. You know, in heaven, there is no pain, there is no suffering. Donc, dans ce royaume ici, il y a vraiment de douleur. Praise the Lord. If you are here on earth, you will have pain. Parce que si tu es ici sur cette terre, tu auras des douleurs. You better learn to be in the kingdom of heaven. Et c'est pour cela que tu dois apprendre à être dans le royaume des cieux. And we have to know how to be in the kingdom of heaven. Et on doit savoir comprendre comment on est dans le royaume des cieux. Remember the finished work of Christ. Rappelle-toi de l'accomplissement de Jésus-Christ. And he loved you and he came here to pay the price. Parce qu'il est venu ici, il a payé le prix pour toi. He came here to deliver you from this present evil world. Il est venu ici pour te délivrer de ce royaume ici. Praise the Lord. Amen. The flesh will never call Jesus good. La chair ne va jamais appeler Jésus-Christ quelqu'un de bien. Do you understand that? Est-ce que tu es capable de le comprendre? The flesh will never call Jesus good. Selon la chair, Jésus-Christ n'est pas une bonne personne. Amen. You know, Galatians said the flesh fight against the spirit and the spirit against the flesh. Galates nous dit ici que dans la Galate, ça nous dit que la chair combat l'esprit, l'esprit combat la chair. Amen. Praise the Lord. Alléluia. I love the kingdom of heaven. Moi, j'adore le royaume des cieux. Learn to be there. Tu dois apprendre à y être. Amen. Amen. Until you are there, you are never free. Parce que si tu n'es pas dans le royaume des cieux, tu seras toujours dans la captivité. And how to be there is remind yourself of the finished work of Christ. Et comment y être, c'est quand tu te rappelles à l'accomplissement de l'œuvre de Jésus-Christ. Jesus did not come here for fun. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu ici pour blaguer, he came en fait. Here to save you. Il est venu pour te sauver. But are you saved? Mais est-ce que toi tu es sauvé? Are you still full of pain? Tu as toujours des douleurs? Amen. He is the only father that will not leave you, that will not Amen. Forsake you. Lui, il est le seul père qui va jamais te délaisser et t'abandonner. He is the only mother that will not leave you, that will not forsake you. Amen. Il est la seule mère qui ne veut pas t'abandonner. You know, anywhere you go, you never carry your mother alone. Parce que n'importe où tu pars, tu n'as pas toujours ta mère avec toi. But if you are saved, he said, I will not leave you, I will not forsake you. Mais si tu es né de nouveau, I'm with you forever. Amen. Mais si tu es né de nouveau, il a dit qu'il est toujours là avec toi. Il est toujours pour l'éternité. We are not talking about positive thinking. On ne parle pas d'une pensée positive. Or positive thinking. Amen. We don't speak positive. We don't think positive. Nous, we think Christ. We speak Christ. Amen. Nous, on ne parle pas positif ou bien on pense positive. On parle Christ et on prononce les mots de Christ. Amen. Let's go to Matthew 16. On va lire Matthieu 16. Amen. Amen. Let's look at just positive speaking. On va comprendre le mot des pensées positives. Praise the Lord. In Matthew 16. Matthieu 16. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I will quickly read because of time. Amen. So that you understand it, I go for. I will start from a place that you can get it better. I don't know how oft you are used to the Bible. Amen. Matthew 16 from verse 13. Matthieu 16, verset 13. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, whom do men say that I, the Son of Man, am? Who do men? They are not men. Amen. Amen. Ici, Jésus-Christ demande à ses disciples, qu'est-ce que les hommes pensent que je suis? Mais nous, ce n'est pas des hommes. You can see Jesus here. There's a difference. He's making something, you know, he's separating men from his family. Et tu vois ici, Jésus-Christ est en train de séparer l'être humain, l'homme, parce qu'il dit que, qu'est-ce que le fils de l'homme? Donc, il sépare l'homme et sa famille. Are you getting it? And they said, verse 14. Verset 14. Some say that thou art John the Baptist. Some, Elijah. And other, Jeremiah. Or some of the prophets. You know, they are call him prophet. Even the Muslim today, they call Jesus prophet. Donc on voit que tout le monde, il y a beaucoup de gens qui titulèrent Jésus-Christ comme prophète. You know, now in verse 15, Jesus now said, what about you? Amen. Amen. Look at it. He said unto them, but whom say ye that I am? Et ici, verset 15. But you know that I'm coming, Sha. He said, how? Let us look at it again. Mm-hmm. Look at it again. He said, whom do men say that I, the Son of Man, am? Who do they say? Because you are not the same. Amen. You are different from Amen. Them. Amen. Amen. Amen. Amen. It's not what they say, but what do you say? Amen. They and you are two different people. Amen. That's Amen. What Jesus is saying. Amen. Here. Ici, on voit vraiment qu'il y a une différence. Jésus-Christ dit à verset 13, qu'est-ce que les gens, les hommes de ce monde pensent que je suis? Et à verset 15, il dit, mais vous maintenant, qu'est-ce que vous pensez? Donc, on voit vraiment qu'il fait une différence. Eux et vous, vous n'êtes pas la même chose. Sa famille n'est pas les hommes naturels. Amen. And in verse 16, and Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. You know, others, they call him prophet, different prophets, Jeremiah, Elijah, and so on and so forth. Amen. Mm-hmm. And through revelation, Peter got the message. Amen. Mm-hmm. Then in verse 17, and Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood had not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Amen. This is coming directly from the Holy Spirit. Amen. Ici, on voit vraiment maintenant que c'est Simon qui a répondu. Il a dit que non, tu as tué le Fils de Dieu. Et Jésus-Christ lui répond, oui, mais ça vient vraiment directement de. C'est le Saint-Esprit qui te l'a révélé. Praise the Lord. Alléluia. Because of time. Look at verse 20. Verset 20 maintenant. They charge he, his disciples, that they should tell no man. That he was Christ. He was Jesus the Christ. 21. Amen. From that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go into Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised again the third day. This now, you know, what he is saying here is negative speaking according to the world system. I'm going to die. You know, no one wants to hear that. People will even correct you. Don't say you are going to die because you are saying something bad. Amen. En fait, ici, verset 20 à 21, ou bien même à 22, il a commencé à dire, à expliquer à ses disciples qu'il est vraiment le Christ et qu'il va mourir. Et après le troisième jour, il va ressusciter. Et ici, donc, ce qu'ils sont en train de dire, selon ce monde, c'est négatif. Les gens vont te dire, mais ne dis pas que tu vas mourir. Mais ça, c'est cruel, ça, c'est mauvais. Donc, selon la compréhension de ce monde, ce qu'il est en train de raconter ici, c'est négatif. Praise the Lord. In verse 22. Verset 22. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, be it far from thee, Lord. This shall not be unto thee. You can see what this world called the good of this world. it will not happen to you. Then in verse 23, but he turned, that Jesus turned, and said unto Peter, get thee behind me, Satan. Thou art unfaithful unto me, for thou serveth not the things that be of God, but those that be of men. I just pray the Holy Spirit, you will allow the Holy Spirit to help you to understand all this message. En fait, ici, on voit vraiment que Pierre a commencé à dire ben, à Dieu que cela ne va pas t'arriver, en fait. Tu ne vas pas mourir. Et Jésus-Christ lui a dit que retire-toi de moi, Satan. Et il a rejeté ce que Pierre a dit dans ce moment-là. Donc, tu peux voir que c'est que Pierre a dit normalement, c'est positif, c'est bien. Mais Jésus-Christ, pour lui, c'était mauvais. You know, it's like your mother or your father will be praying for you, you will pass your exam. And you will rebuke him and rebuke her and say, this is coming from man. Amen. And not from Christ. Amen. Because the result, any result, you never control God's children. Amen. Amen. En fait, Jésus-Christ a dit que arrière de moi, Satan, car tu n'as pas l'intelligence des choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. C'est comme si, par exemple, ta mère te dit que tu vas passer tes examens, elle est derrière tes examens, et toi, tu lui dis, tu rejettes, tu dis arrière de moi, Satan, parce que ce que tu dis, c'est totalement humain. Parce que les résultats de ce monde, ça ne contrôle jamais les enfants de Dieu. Nous, on est toujours des vainqueurs, peu importe le résultat qu'on va avoir. I will quickly give you example. Je vais vous donner un exemple. Joseph, for example. Joseph, par exemple. Amen. Amen. You know, if you have prayed, you should not go to prison. Amen. You know, in the prison was the victory waiting for him. Joseph, par exemple, était parti dans la prison, mais c'est dans la prison qu'il avait sa victoire pour lui. Si on priait aujourd'hui qu'il ne puisse pas partir à la prison, il n'aura pas à voir sa victoire. If you belong to Christ, and is whatever is here, pass of faith is for your own victory. Amen. Et si doesn't matter. Amen. Si tu appartiens vraiment, réellement au Christ, ton échec ou bien ta victoire, c'est toujours pour ta victoire, c'est pour toujours pour ton bien. Are you getting it? Amen. You know, I hope you know Joseph. J'espère que vous connaissez Joseph. He was sold as a slave. Il a été by his brothers. Il a été vendu comme un esclave, oui, de ses frères, par ses Amen. Frères. Amen. You know, we pray that prayer that no one should sell us. Si c'était nous aujourd'hui, on allait prier que, oh, j'espère que Dieu fait que personne ne me vend. All things were good for those that belong to Christ. Mais la Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Don't fight to pass, don't fight to fail. Fight to know Christ. Amen. On ne va pas se battre à avoir une victoire ou bien avoir du succès. Non, on va se battre à comprendre, connaître Jésus-Christ. Fight to depend on him. Donc, bats-toi à dépendre de lui. Fight to trust him. Bats-toi à lui faire confiance. We still labor. There is just one labor. We labor. We labor to believe Christ. Amen. Nous, on n'a qu'un seul travail qu'on fait ici. On est en train de... Oh oui, notre travail, c'est de croire en Jésus-Christ. We don't labor to have money. Nous, on ne travaille pas pour avoir de Amen. L'argent. Don't labor to have husband or wife. On ne travaille pas pour avoir une famille, un mari. Stop laboring to pass your exam. Arrête de travailler ou bien dur pour passer tes examens, par exemple. Labor to know Christ. Amen. Tu dois vraiment te battre à connaître le Christ. Praise the Lord. Amen. Amen. You know, for Jesus, it was all about his father. Mais pour Jésus-Christ, s'agissait toujours de son père. Amen. Let it be all about Jesus for donc, you. Donc, tu dois vouloir que ça puisse toujours être donc ton sujet. Ça doit toujours être Jésus-Christ chaque jour. If it is all about Christ, it doesn't mean the job. The job is irrelevant. Amen. Amen. Driver, cleaner, a doctor. I don't. You know, they are irrelevant. Once you come to the kingdom of heaven. Oh, you are educated or not, they are all irrelevant. Amen. Paul call is education shit. Donc en fait, it's degree. Amen. Donc en fait, tu vas voir que ça n'a pas vraiment des relevances si tu es un taximen ou bien tu es un docteur ou bien donc devant le royaume des cieux, nous sommes dans le même niveau parce que par exemple même Paul, il a dit que sa qualification ou bien son éducation, il a dit que c'est de la merde en fait. Donc ça n'a pas de relevance devant le royaume des cieux. Amen. You know, Jesus was after doing the will of his father. Jésus-Christ, il était toujours derrière faire la volonté de son père. He was not after the good or the bad of this world. Il n'a jamais été derrière le bien ou bien le mal de ce monde. It should be all about Christ for us. Ça doit toujours s'agir de Jésus-Christ. To do the will of him who sent us. De faire la volonté de la personne qui nous a envoyés ici sur terre. Praise the Lord. Alléluia. He sent us. Il nous a envoyés ici. Amen. Amen. Go to John 20. On va lire Jean 20. Amen. If you belong to him, you have been sent by him. Amen. Si tu lui appartiens, tu as été envoyé par lui. Verse 21. Jean 20, verset 21. Praise the Lord. Amen. He said, then said Jesus to them again, peace be unto you. As my Father has sent me, even so send I you. Amen. Donc il dit ici que la paix soit avec vous, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie aujourd'hui. And that's why we need Jesus for everything. Et c'est pour cela on a besoin de Jésus-Christ. We have been sent by him. On a été envoyé par lui. Amen. You see that you have been sent by Jesus or you have been sent by Satan. C'est où tu es, donc tu dois comprendre que où tu es, on t'a envoyé, tu es envoyé par Jésus-Christ ou tu es envoyé par le diable. Amen. You know, the Benin, they will say, Ekiadodo Agbona. That is, you are here, it's like going to the market. Amen. It's true you have been sent. It's either you allow Christ to send you or Satan sent you. Donc c'est there's toi. There's no to Satan, no to Christ. Automatic no to Christ. No to Christ is automatic yes to Satan. Donc tu dois savoir que vu qu'il y a que deux royaume dans ce monde, si tu rejettes, tu peux pas dire que oui, je suis pas pour le Christ, je suis pas aussi pour le diable. Non, parce que dès que tu dis que non au Christ, c'est automatiquement oui au diable. Jesus said, "At my Father, praise the Lord, amen. As my Father has sent me, even so send I you." Praise the Lord. Donc, comme son père lui a envoyé, c'est comme ça aussi il nous envoie. You know, according to the world system, Jesus was not a good man. Donc, selon le monde, Jésus-Christ n'était pas une bonne personne. Are you getting it? Go to Luke 6. On va lire Luke 6. Amen. He was not a good man. Il n'était pas du tout une bonne personne. Amen. Amen. You know, the period of the father, the period of the son. He said, honor your father, honor your mother. But now, Jesus said, honor me. You know, it's not honor your father, honor your mother. Because your only father and mother is Christ Jesus. Amen. Donc, on doit comprendre qu'on est dans un nouveau période du Saint-Esprit. Avant qu'on était dans le période du Père, il s'agissait d'honorer tes parents. Mais maintenant que lui, il s'est sacrifié pour nous, il s'agit maintenant d'honorer l'éternel Jésus-Christ. If you know the story, parce qu'il est notre Père maintenant. If you know the story of Adam, amen, the first man, that is Adam. Adam did not have father, mother. He only have God. No brother, no sister, God alone. At time Jesus, we are back to that stage. Yes, only Christ Jesus in everything. Amen. The only true God. Amen. Donc si on se rappelle à Genèse, on va voir que Adam n'avait pas de père, il n'avait pas de mère, il était seulement lui-même. Et maintenant, à travers Jésus-Christ, il nous a renvoyés dans le statut comme Adam et Ève. Et maintenant, on a maintenant qu'un seul père et une seule mère, et c'est lui-même, Jésus-Christ. If you look at Adam, Adam did not create anything by himself. He was not, you know, the garden was being created by God. Everything in the garden. And that's why you better rejoice that you are back to that place. Amen. Where the Lord himself take care of you. Enjoy. Where Jesus alone take care of Amen. You. And not you taking care of yourself. Amen. Et si tu te rappelles vraiment dans la Bible, tu vas voir que tout a déjà été créé et puis après Adam a été mis dedans, donc il n'a pas dû faire rien en fait. Et maintenant c'est pour cela que tu dois te réjouir que maintenant Jésus-Christ il t'a renvoyé dans cette position où toi tu n'es même plus la personne qui prend soin de toi-même, mais c'est lui qui prend soin de toi. Amen. Praise the Lord. Amen. We thank Jesus. On remercie l'Éternel. He brought us back. Parce qu'il nous a renvoyé dans notre position. Il a payé le prix. We are back to the position. Il nous a renvoyé dans la position qu'on était avant. Amen. There's no more suffering. Là où il n'y a pas de souffrance. Suffering and smiling. That's what is everywhere today. Donc souffrir et prétendre qu'on va bien comme aujourd'hui les gens. Amen. You know, again, according to the world system, no one, you know, Christ Jesus is not a good man. Donc selon le système de ce monde, Jésus-Christ n'est pas une bonne personne. Look at what Jesus himself said in Luke 6 from verse 26. On va voir ce que lui-même il a dit à Luc 6 verset 26. Praise the Lord. Hallelujah. He said, "Woe unto you when all men shall speak well of you. For so did your fathers to the false prophets." Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ce que leur père faisait à l'égard des faux prophètes. Amen. Amen. What this world calls good is evil before Christ. Ce que le monde appelle bien, c'est mauvais devant l'Éternel. Amen. Amen. Go to Mark 10. On va lire Marc 10. Praise the Lord. Hallelujah. You know, in this ministry, we go into Bible a lot. Amen. Praise the Lord. Dans cette église, on lit vraiment beaucoup la Bible. It's our food. C'est notre nourriture en fait. Every day you eat. Morning, you have to. Some eat three times. Some even eat four times. Amen. Praise the Lord. In Mark 10, please. Mark 10. Mark 10, verse 17 and 18. Mark 10, verset 17 à 18. Praise the Lord. And when he was gone forth into the way, there came one running and knelt down and kneeled to him and asked him, "Good master, what shall I do that I may inherit eternal life?" Amen. Amen. What am I going to do to be one with the only true God? Eternal life means to know the only true God. When you to live here on earth, amen, or live here forever, it means to be one with Christ, to know Christ. If you go to John 17, verse 3, he's there. En fait, ici, cet homme vient vers Jésus-Christ et lui dit que, ben, maître, que dois-je faire pour avoir un héritage de la vie éternelle? La vie éternelle, ça signifie de connaître Jésus-Christ, de connaître Dieu et d'avoir une relation intime avec lui. Amen. You know, this man was so religious. Cet homme était vraiment religieux. He came to Jesus. Il est venu vers Jésus. He knelt down. Il s'est agenouillé. Amen. And said, "What shall I do that I may inherit?" Because the kingdom of heaven is our inheritance. Donc, amen. Il s'est demandé qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume des cieux, parce que le royaume des cieux, en effet, c'est un héritage. Inheritance means you don't work to have it. Jesus worked so that you have it. Héritage, ça signifie que toi, tu ne te bats pas à obtenir quelque chose, mais c'est Jésus-Christ qui a déjà, qui s'est déjà battu pour avoir ça pour toi. Praise the Lord. In verse 17, and when he was gone forth into the way, amen, this man came to Jesus and knelt down and called him good master. Amen. Something good. Amen. But in verse 18, look at what Jesus said in verse 18. And Jesus said unto him, "Why callest thou me good? There is none good but one, that is God." Amen. Why are you calling me good? Are you ready to accept me as God? Because they never believe he's God. En fait, ici, cet homme est venu avec tout son acte. Il a dit, maître, tu es un bon maître. Et Jésus-Christ lui a dit, mais pourquoi tu m'appelles bon? Parce qu'il n'y a rien de bon sauf Dieu. Donc, est-ce que ça signifie que, est-ce que toi, tu es capable à m'accepter comme le Dieu? Amen. Jesus, he has said, he said, there is no one good but God. Il a dit, il y a rien it's only God. God that is good. Amen. There is nothing good here on earth since the pollution, since the fall of man. Amen. Donc Dieu dit ici que il y a rien de bon dans ce monde. Après, après la chute de l'homme, tout a été pollué ici sur terre. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Beware of what they call good. Donc fais attention de ce que les gens de ce monde appellent bien. Amen. Because what man calls good is what Satan calls good. Parce que ce que l'être humain appelle bien, c'est ce que le diable appelle bien. Praise the Lord. Amen. Amen. Let's go to John 7, verse 20. On va lire Jean 7, verset 20. Praise the Lord. John 7. 20. Praise the Lord. Amen. Amen. Mm-hmm. I'm coming, chat. Jean 7, verset 20. Praise the Lord. Can you read this, chat? The people answered and said, thou art a devil. Who goeth about to kill thee? You can see they call Jesus devil here. Amen. Donc ici, la foule dit que Jésus-Christ a été possédé. Il est un démon. Amen. There was the period of the Father. There was the period of the Son. And now the period of the Holy Spirit. Il y avait eu une période du Père, du Fils, et maintenant nous sommes dans la période du Saint-Esprit. The period of the Father, then the period of the Son. The period of the Son was only 33 and a half years. Donc la période du Fils était seulement 33 ans. But the period that we are now is the period of the Holy Spirit. Mais le période qu'on a maintenant là, c'est le période du Saint-Esprit. It is very important that we know the difference between them. C'est vraiment important de connaître la différence. Amen. Entre les trois périodes. All these periods, they are not the same. Tous les trois périodes ne sont pas les mêmes. Please know and understand the difference between them. Donc c'est important de connaître la différence de ces Amen. Trois. Allah do not know that we are of another period. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on a une autre période. It's follow Moses. Donc la période où on est en train de suivre Moses. They are after 10 commandments. Ils sont derrière les 10 commandements. Amen. They are after I don't want to sin. Donc ils sont derrière de ne pas pécher, de se battre à ne pas pécher. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You know, Allah do not know that that this period we are is different from the old period. Donc il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que la période qu'on a maintenant c'est différent de la période qu'on avait avant. You know the old period you go to the prophet. Dans l'ancienne période tu partais chez les prophètes. If you have problem, go to the prophet. Si tu as des problèmes tu pars chez les prophètes. But Jesus now said, come unto me. Mais Jésus-Christ lui il dit que venez vers moi. You no longer go to any prophet. Donc tu ne pars plus chez un médiateur ou bien chez un prophète. Because greater than the prophet is here now. Parce que maintenant, il y a quelqu'un qui est plus important que les prophètes et c'est Jésus-Christ. Amen. Lui-même. You don't need to go to any pastor. Tu n'as pas besoin de partir chez un pasteur. You go to Christ. Tu as la possibilité d'avoir une relation directement, donc partir directement chez Christ. I know pastors will hear this message. Je sais que les pasteurs vont détester ce message. But they want everyone to come to them. Parce que eux, ils veulent toujours que quelqu'un vienne chez moi. They want anyone to come to me. Moi, je veux pas que quelqu'un vienne chez moi. To go to Jesus. Je veux pas que quelqu'un vienne vers moi. J'aimerais bien que les gens puissent partir vers Jésus. I want you to come to Christ Jesus. Amen. The only Savior is He. Parce que lui, il est le seul Sauveur. Amen. Amen. You know, just like people do not know that the period of the Father, the period of the Son, and the period of the Holy Spirit, they are all different. So also, they do not know that the old world is different from the new world. The Old Testament is different from the New Testament. Juste comme les gens, les religieux par exemple maintenant, ne savaient pas qu'il y a une différence entre les trois périodes, c'est comme ça aussi, ils ne savent pas qu'il y a une différence entre l'Ancien Testament et le Nouvel Testament, ils sont en train de mixer tout. The old world is the world that you have been without Jesus. The old world. L'ancien monde, c'était le monde que tu as été entré là où tu étais sans Jésus-Christ. I was once in the old world. Avant, j'étais aussi dans l'ancien monde. But the Lord delivered me. Mais l'Éternel m'a délivré. I'm now be translated into His kingdom. Let's go to Colossians. Il m'a transféré dans son propre royaume. Colossians 1, please. On va lire Colossiens 1. Praise the Lord. Colossians 1. Colossiens 1. Amen. Amen. Colossians 1. Colossians 1. Verse 12 and 13. Colossians 1, verset 12 et 13. Praise the Lord. Alleluia. He said, give thanks unto the Father, which had made us meet to be partakers of the inheritance of the saint in light, who had delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of his dear son. Praise the Lord. Alleluia. We were once under the power of darkness, and now we are now under light. Avant, in light. Amen. Avant qu'on ne connaissait pas Jésus-Christ, on était d'abord dans le royaume de ce monde dans les ténèbres, et maintenant que dès qu'on a connu Jésus-Christ, on a la lumière en nous. Maintenant, on est dans le royaume de Jésus-Christ. Two worlds on earth. Deux mondes dans cette terre. The kingdom of heaven and the kingdom of this world. Le royaume des cieux et le royaume de ce monde. And you are the one to choose. C'est à toi de choisir. And live where you belong. Et vivre là où tu veux vivre. Amen. That of Christ. Amen. If you are saved, you are to know that you belong to Christ. Si tu es né de nouveau, tu dois savoir que tu appartiens au royaume des cieux. Two kingdoms on earth. Deux royaumes sur cette terre. Amen. Amen. We came from Germany. On vient de l'Allemagne, par exemple. You know, when we left here, we went to Germany. Quand on a quitté le Nigeria, on est parti en Allemagne. Amen. In Germany, they have their rules and regulations. Eux, en Allemagne, ils ont leurs règles. They have their system. Ils ont leur système. Amen. Well, no, when we got there, we now learn to live like them. Et quand on est parti là-bas, on a appris à vivre selon leur système. To obey their rules. D'obéir leur. Amen. We did not take the one of Nigeria there and impose it there and start living the life of Nigerians there. Donc on est parti en Allemagne, on a appris à vivre comme les Allemands, leur système. On n'a pas emmené le système de Nigériens là-bas et commencé à imposer à vivre une vie nigérienne en Allemagne. Non, ça ne fonctionne pas comme just ça. Just like the kingdom of heaven and the kingdom of this world. Et c'est comme ça aussi le royaume des cieux et le royaume de ce monde. We just read that we have been translated into the kingdom of Jesus Christ. On vient de lire qu'on a été transporté dans le royaume de son fils. Amen. Jésus-Christ. It means you are no longer here, you are there. Ça signifie que tu n'appartiens plus à ce monde de les ténèbres. The question is, are you really there? Mais la question est que est-ce que tu es réellement là? Do you know how to live there? Tu sais comment y vivre dans le royaume des cieux? You know, once you are born into this world, dès que tu es né dans ce monde, you learn everything. Tu apprends tout. How to suck your mother's breath. Comment boire du lait. How to walk around. Comment marcher. How to now go to school. Comment partir à l'école. One stage to parler another. Un stage à l'autre. So also is once you are now be translated, that is what is called born again, salvation. Once you are now born again, you are filled with the Holy Spirit. Born again and to be filled with the Holy Spirit are two different things. Et c'est comme ça aussi quand tu as été transféré dans le royaume des cieux, tu apprends aussi tout. C'est ce qu'on appelle être né de nouveau. Mais être né de nouveau ou bien être plein du Saint-Esprit sont deux choses différentes. Praise the Lord. Amen. You are a spirit. Tu as un esprit. You have a soul. Tu as un âme. And you live inside the body. Et tu vis dans un corps. You need your body to be here on earth. Tu as besoin de ton corps pour vivre ici dans ce monde. Just like Jesus, you know, Christ needed Jesus to be here on earth. Tout comme le Christ a eu besoin de Jésus pour vivre ici sur terre. And that's why Jesus and Christ. We say Christ Jesus, but they are two different people. Et c'est pour cela nous on dit Jésus Christ, mais le Christ et Jésus, ce sont des choses différentes. Amen. You can see Mary is the mother of Jesus, but not the mother of Christ. Tu peux voir que Marie, elle est la mère de Jésus-Christ, mais pas la mère de Jésus, mais pas la mère du Christ. Mary is the mother of the body. Mais Marie est la mère du corps. Jesus needed a body to be here. Without a body, he is illegal here. He cannot be here. Amen. Donc Christ, vu qu'il est un esprit, il a eu besoin d'un corps, et c'est le corps, c'était Jésus-Christ, c'était Jésus, oui, c'est Jésus, et c'est pour cela il a eu besoin de ce corps pour être ici sur terre, sinon il n'allait pas être légal ici. Amen. You know, there are a lot of things we need to learn. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. You know the transfiguration, if you know the concerning, I will know, I don't want to go there. The transfiguration, when Jesus exposed the inside. Amen. To John, to Peter, to Mark, they were with him. And when they saw the inside, it frightened them. Donc, they have been moving with Jesus. Amen. But Jesus just opened the inside. Uh-huh. For them to know the outside. You know, Jesus sweat like you. He smell like you. He have his bath. He was hungry like you. Are you getting it? Uh-huh. But the Bible said God never, you know, even sleep. And wake up. The Bible said God never sleep or slumber. Amen. En fait, on va voir vraiment que il y a un passage de la transfiguration, hein? Et là dans ce passage là, on voit, on va pas y aller, mais on voit que Jésus il a révélé son intérieur qui est le Christ, et les trois disciples qui étaient avec lui, ils ont commencé à trembler parce que ils connaissaient Jésus, parce qu'ils savaient que oui, il mange comme nous, il a faim comme nous, il transpire comme nous, il dort comme nous, malgré la Bible dit que le Dieu l'Éternel, lui, il ne dort jamais, et oui, il ne somnole pas aussi, mais donc ça n'a pas de sens. Ça va t'aider à comprendre que l'âme, le Christ et Jésus sont deux choses différentes. You know, if you don't want to be wealthy, no need to come to Jesus. Si tu ne veux pas avoir de la richesse, tu n'as pas besoin de venir chez. If you don't want to live long life, don't come to Jesus. Si tu ne veux pas avoir une vie longue, tu n'as pas besoin de venir chez. If you don't want to have abundant life, he said he came to give us abundant life. Don't come to Jesus. Donc il a dit qu'il est venu pour nous donner une vie abondante. Et si tu ne le veux pas, tu ne dois pas venir vers Jésus-Christ. It's not what this world call life. It's not what this world call abundant life. Amen. Without Christ, you are dead. You are a dead man. Donc, il ne s'agit pas de ce que ce monde appelle une vie abondante. Parce que sans le Christ dans ce monde, tu es déjà une personne morte. Donc, tu n'as même pas une vie. Amen. There are four different types of death. Parce qu'il y a quatre morts différentes. Amen. Praise the Lord. Amen. The Lord never called what man called death even death. Donc la mort que l'être humain appelle la mort, le Christ ne considère même pas comme une vraie mort. Amen. It is God that created death. C'est Dieu qui a créé la mort. C'est pas le diable. Amen. God created death, but without power. Il a créé la mort, mais sans puissance. Amen. And he told Adam, if you disobey me. If you do not believe me, you will give power to death, to not kill you. I created death without power. But your disobedience will give power to death, to kill you. Amen. En fait, Dieu a dit à Adam, moi j'ai créé la mort, mais sans puissance. Mais si toi tu me désobéis, là tu donnes la mort, la puissance de te tuer. C'est toi Amen. Qui décides en fait. And if you look at Adam, he disobeyed God. Et si tu vois Adam, il a désobéi l'Éternel. And he died. Et il est mort. Still here on earth. Malgré il a vécu encore longtemps, mais il était mort. Amen. And he still lived 930 years here on earth. Amen. Et il though he was a dead man. Et malgré il était mort, il a continué à vivre pendant 930 ans ici sur terre. I just explained one of the deaths, different deaths. Moi, to you, just one. J'explique juste une des morts. Then let me quickly explain that not the number two deaths. Let me explain two. Just two. the other two, maybe we are still here next week, then we go into it. Number two death is You know, oh, she was literally. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. No, what my God did. Your spirit never die. It's your body that die. Mm-hmm. Donc, ce que l'être humain appelle la mort, c'est quand on, c'est quand que l'esprit ne meurt jamais, mais ton corps meurt. God did not create the spirit to die. L'Éternel n'a pas créé l'esprit pour mourir. That is why Satan never die. It's a spirit. Et c'est pour cela que le diable ne meurt jamais parce qu'il est un esprit. And that is why God created hell for him. Et c'est pour cela que l'Éternel a créé l'enfer pour lui et ses anges. God did not create hell for man. Il n'a pas créé l'enfer pour l'être humain. Amen. Amen. But Satan does not want to go there alone. Mais le diable lui ne veut pas partir seul là-bas. And he's taking a lot of people along. Et c'est pour cela qu'il va emmener beaucoup de gens. Are cooperating with him. Parce que les gens sont en train de coopérer avec lui. Amen. You know, if you're just as I said, you are a spirit. You have a soul and you live in a body. Amen. If you die, it's your body that died and not your spirit. Your spirit is going to live forever. Juste comme je venais. It's either in hell or in heaven. Juste comme je venais de dire que tu es un esprit et tu as un âme et tu vis dans un corps. Quand tu meurs, la mort naturelle, c'est ton corps qui meurt, oui, mais ton âme ne meurt jamais, ton esprit ne meurt jamais. No, people don't want to believe it. Et si toi et tu vas partir en enfer, ça ne meurt jamais. Tu vas continuer à vivre en royaume des cieux ou en enfer. People don't want to believe that there is hell, there is heaven. Does it really matter? Il y a beaucoup de gens qui believe it or not. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas croire qu'il y a l'enfer et le royaume des cieux. Mais est-ce que c'est important? Parce que si tu crois pas, tu vas voir à la fin. Amen. It's like electricity. C'est comme l'électricité. You know, if you believe it will shock you when it's naked or not, put your hand and see and try it. It will kill you. Donc tu vas voir, c'est comme l'électricité. If you believe or not, there is hell, there is heaven. Je vais vous donner l'exemple de l'électricité. Par exemple, si on te dit que la chose là, c'est électrique, que si tu mets tes doigts là-bas, tu vas mourir. Si tu ne le vois pas, essaye de le faire et tu vas voir que tu vas directement mourir. Et c'est comme ça aussi avec l'enfer et le royaume des cieux. Tu y crois ou tu n'y crois pas, à la fin, tu vas voir le résultat. Amen. You know, people don't want to believe Christ. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas croire en Jésus-Christ. Because you know, religion. If you can see, if you see churches here, especially here in Nigeria, I only know of here and that of Deutschland. You know, here in Nigeria, you see it. Just like me, I do not want to be a pastor. I hate this job. I just hate it. But the Lord said, do it. Donc, tu vas voir comme moi, par exemple, aujourd'hui, moi, je ne voulais même pas être un pasteur, mais l'Éternel m'a dit de le faire. Amen. You know, you always change a thief to now become a giver. Il change toujours même un voleur qui devient quelqu'un qui donne. And I love the job because of him. Et moi, j'adore ce travail à cause de lui. Amen. I know people, you know, you have been trying religion, but now try Jesus. Et je sais que vous essayez vraiment votre mieux, vous donnez votre mieux, mais vous étiez en train d'essayer la religion. Maintenant, essayez Jésus-Christ maintenant. Having religion is not having Christ. Parce qu'avoir religion, ce n'est pas avoir Jésus-Christ. I don't have any religion. Moi, je n'ai pas de religion. All I have is Christ Jesus. Amen. C'est tout ce que j'ai, c'est Jésus-Christ. Amen. Let me quickly help you to understand what religion is. Go to John 3. Je vais vous aider à comprendre qu'est-ce que la religion. John 3. Lisez Jean 3.